طيب بسم الله الرحمن الرحيم نحن في الناقد الرقم كم الرابع وهو ماذا باختصار وأن حكم غيره أحسن من حكمه فالذين يفضلون حكم طواغيت على حكمه فهو كافر يعني بمعنى الذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. Donc là on est toujours dans le naqid al-rabi qui est le jugement qui est celui yani le, qui concerne le naqid qui concerne celui qui juge par une loi autre que la loi d'Allah Azza wa Jal est certes un mécréant. Votre dalil allez ça. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. طيب. و يعني كيف عرفت أن هذا كفر؟ طيب, on va revenir. Donc là déjà, Aïssa nous a évoqué le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui juge par une autre loi que la loi d'Allah est certes un mécréant. طيب. ومن الأدلة الأخرى. Et qu'est-ce que tu as d'autre comme أدلة? نعم نعم هذه الآية لحظة الآن نحن نسألك هل الكفر في الآية يراد به الكفر الأكبر مطلقا؟ Est-ce que lorsqu'Allah dit celui qui ne juge pas par la loi d'Allah est certes mécréant, est-ce que ce verset-là on doit comprendre que c'est la grande mécréance ou c'est la petite mécréance? Ou il y a des détails à préciser? Fi tafsir, na'am. Ça ne sous-entend pas forcément la grande mécréance. Na'am. Ça ne sous-entend pas forcément la grande mécréance. Ben, ça peut être de la petite mécréance. C'est quoi ta preuve sur le fait que le but visé du verset n'est pas forcément la grande mécréance? Ibn Abbas? Ibn Mas'ud? Ibn Abbas? Ibn Abbas ou Ibn Mas'ud? Ibn Abbas. C'est l'élève d'Ibn Abbas. Aïe. Kofr, d'où la kofr? Hala, Tilmid, Ibn Abbas. Ou Homan? Hein? T'as sorti la réponse, yani, à moitié. J'ai besoin d'un renseignement. Man, yo. C'est qui a dit cette parole-là parmi les élèves d'Ibn Abbas? Ibn Abbas. Ouais. Mohamed Ibn Malik. Mohamed Ibn Malik. Man Sahib. Atta ibn Rabi'a. Atta ibn Abi Rabah. Atta ibn Abi Rabah. Tayyib. عطاء بن أبي رباح هو الذي جاء وقال في الآية هو كفر دون كفر. C'est de la mécréance, mais c'est la moindre des mécréances. C'est-à-dire celle qui ne fait pas sortir l'islam. وهو ماذا ظلم دون ظلم. Et c'est de l'injustice, mais c'est la moindre des injustices. C'est-à-dire celle qui ne fait pas sortir l'islam. وهو فسق دون فسق. C'est-à-dire c'est de la perversion, mais c'est la moindre des perversions, celle qui ne fait pas sortir l'islam. Et Abdallah ibn Abbas, lui, qu'est-ce qu'il a dit? نعم هي بكفر وليس كفرا بالله وملائكته ورسله وكتبه. نعم فهذا هو من يعني أعظم أدلة أهل السنة في مسألة تكفير الحكام أننا نتوقف ولا نتجاوز هذا الحد. وعليكم السلام. ولا نتجاوز هذا الحد إلا ببراهين ثابتة. طيب ensuite on a vu certaines images ou certains exemples du jugement avec la loi ou une autre loi que les lois d'Allah. Yani certaines de ces images sont de la mécréance pure. Bilijma, selon l'unanimité des savants. Et une parmi ces exemples ne fait pas sortir la personne de l'islam. Donc qui c'est qui peut nous évoquer les exemples qui font sortir la personne de l'islam en ce qui concerne le fait de juger par autre qu'Allah? Celui qui change les lois d'Allah par autre et qui les réfute totalement. Celui qui change les lois d'Allah par autre et qui les réfute. Yajhadaha. C'est-à-dire... Il les repousse, il les méprise. Il méprise les lois d'Allah. هذا كافر بالإجماع. من نقل الإجماع؟ هذا صعب. هذه صعبة. C'est qui a rapporté l'إجماع? Ahmad? ها قد جئت بشيء كبير. آل الشيخ. يعني هو عبد اللطيف. نعم عبد اللطيف ماذا او لا محمد بن ابراهيم هذا نعم محمد بن ابراهيم مفتي السابق احسنت يا محمد بن ابراهيم يونادي آل الشيخ سي كي آل الشيخ la famille de du cheikh محمد voilà les enfants de l'imam محمد بن عبد الوهاب donc le mufti actuel عبد العزيز وكذلك صاحب المصنفات الكثيرة النافعة صالح آل الشيخ كلهم من أحفاد محمد بن عبد الوهاب. Tous ils font partie des petits enfants de محمد بن عبد الوهاب. نعم. طيب. سورة ثانية. Celui qui change les lois d'Allah par autre, sans toutefois les réfuter, mais en disant que les lois d'autres, que les lois autres que celles d'Allah sont meilleures que les lois d'Allah Azzawajal. Fahada kofran, bilijma'. C'est aussi de la mécréance, et ceci conformément à l'unanimité des savants. Celui qui rend licite une chose illicite et vice versa. نعم celui كذلك سورة ثالثة celui qui rend licite il change les lois d'Allah et voilà et il dit que c'est permis il dit que c'est permis طيب فهذا كافر كذلك نعم donc là ça fait 3 بقي اثنين أو تنتين celui qui aime les lois autres qu'Allah plus que plus ou comme, au même niveau. C'est-à-dire, il a changé les lois d'Allah et il aime les autres lois. Il rend égaux. Voilà, il rend égaux ses lois avec les lois d'Allah, Azza wa Jal. Fahada, kofrun bilijma'. Baqiya, surah l'akhira. Wahia. Celui qui Celui qui sait au fond de lui que les lois d'Allah sont meilleures, mais par une passion, une quelconque passion qu'il a au fond de lui, ben, il ne juge pas autre que les lois d'Allah. Non. Celui qui sait que les lois d'Allah sont meilleures et qu'il n'a pas le droit de juger avec autre que les lois d'Allah, mais il le fait parce qu'il a une quelconque passion dans le cœur, c'est-à-dire il veut se maintenir au pouvoir ou quoi, comme c'est le cas de la plupart des hukam de nos jours. Fahada la yukhrijou min al-islam. Ceci ne le fait pas sortir de l'islam. Donc on était arrivé à ce point-là. Et on n'était pas rentré dans l'explication. Qala. Donc après avoir évoqué ce naqid, qala fahada yu'tabaru fa'ilan lil ma'siyah. Wa in kana kadhalika la yukfar. Wa ala hadha as-sinf yuhmal kalam Ibn Abbas wa Ata. Donc la parole de Abdullah Ibn Abbas lorsqu'il dit dans le verset wa man lam yahkum bima anzala Allah فأولئك هم الكافرون قال ليس هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وعطاء قال كفر دون كفر. Quand ils disent كفر دون كفر, c'est de la moindre mécréance, c'est pas celle qui fait la sortir, c'est dans ce cas-là uniquement. C'est dans ce cas-là, c'est-à-dire celui qui a changé les lois d'Allah tout en sachant que c'est interdit de faire ça et que les lois d'Allah sont meilleures que ses propres lois avec lesquelles il est venu. Mais il l'a fait parce qu'il a un quelconque intérêt dans ce bas monde à faire cela. Et bien, celui-là, il ne sort pas de l'islam. Non. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, par ton Seigneur, ils ne seront pas véritablement croyants jusqu'à ce qu'ils n'appelleront pas, ils ne t'appelleront pas pour juger leurs disputes. Et ensuite, lorsque tu juges, ils trouvent leur propre personne apaisée par ton jugement. Du moment qu'ils ne sont pas apaisés par ton jugement, ils ne seront pas véritablement croyants. Naam. Ça, c'est un verset de Surat Nisa. قال فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله. Donc Cheikh al-Islam il dit, certes celui qui لا يلتزم بحكم الله, c'est-à-dire qui ne ramène pas ses affaires au jugement d'Allah ou au jugement de son messager. Alors certes, Allah a juré par sa propre personne que cette personne-là n'est pas croyante. Fala wa rabbika la yu'minun. Certes, ils ne croiront pas du moment qu'ils ne t'appellent pas à juger dans leur dispute. Na'am. Wa fi fadl ar-ruju' ila al-kitab wa sunnah fi jami'i ahwalina. Ça, on voit aussi dans ce verset le bienfait de revenir au kitab et à la sunnah. Dans n'importe quelle de nos affaires. Na'am. Falmar yataqallab laylan wa nahar bayna qala Allah wa qala Rasul. La personne, elle se doit de se trouver jour après jour entre la parole d'Allah et la parole de son messager. Fi jami'i ahwal 'inda al-bay' wa ash-shara. Lorsqu'il achète et qu'il vend. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le vendeur et l'acheteur, ils ont le choix. Bil khiyar. Wa kadhalika man' al-buyu' bi idha fi madha ghash. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, ils ont interdit le fait de vendre des choses avec qui ont des défauts, en cachant les défauts de la chose. Que tu sois dans ta vente, dans la vente ou dans l'achat, tu te dois de revenir à quoi? Au kitab et la sunna. Na'am. Kadhalika fi jami'i ahwalik ma'a ahlik. Que ce soit avec ton épouse, tes enfants, kullu shay tarji' ila madha? Ila kitabillah wa sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa fihi ghunya. Et وَفِيهِ غُنِيَ. Et celui qui fait cela, il a trouvé une indépendance. نعم. Il a trouvé ce qui lui suffit. Pour في حياته كلها. مهما يحصل لك من الابتلاءات والفتن والضيق وشيء من ذلك. Du moment que tu vas revenir à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire Al-Faraj. Peu importe ce qui t'arrive, comme problème, comme machakel, comme... Du moment que tu vas revenir à Allah Azza wa Jal, tu vas trouver le secours. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاءك ô mon seigneur. Le prophète Azam dit, il n'y a pas une créature ou un serviteur lorsqu'il est touché d'un quelconque souci, que le souci soit petit ou qu'il soit grand, ou d'une quelconque tristesse, qui dit ô mon seigneur, je suis ton serviteur, fils de ta servante, ناصيتي بيدك, mon toupet est dans ta main, عَدْلٌ فِيَا قَضَاءُكَ, ton jugement sur moi, c'est-à-dire ton décret, ce que tu as décrété, ton destin que tu as décrété sur moi, yani il est plein de justice. نعم. عَدْلٌ فِيَا قَضَاءُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ, que tu as par lesquels tu t'es toi-même appelé, أَوْ أَنْزَلْتَ بِهِ فِي كِتَابَكَ, ou que tu as les noms que tu as fait descendre dans ton livre, أو علمته أحدا من خلقك, ou que tu as enseigné à une créature parmi tes créatures, أو استأثرت به في علم الغيب عندك, ou les noms que tu as cachés auprès de toi dans la science de l'invisible, أن تجعل القرآن ربيع قلبي, que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur, ونور صدري, et la lumière de ma poitrine, وَنُورَ صَدْرِي وَذِهَابَ هَمِّ, et la cause qui va dissiper mon souci et ma tristesse. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas quelqu'un qui dit ça en moment de tristesse ou quoi, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala أَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحَ, sans que Allah il change sa tristesse en joie. Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu la parole du prophète alayhi wa sallam, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, قالوا, Ya Rasulallah, yambaghi lana an nata'allama hadhihi al-kalimat. Ils ont dit, il nous est impératif d'apprendre ces paroles-là. Les malades, pourquoi ils ont dit ça au prophète alayhi wa sallam? Parce qu'ils ont su que ce chemin-là, huffat bil makar, le chemin de l'islam, le chemin qui mène au paradis, il est rempli de choses détestables. Tristesse, ta'ab, wa laqad khalaqna al-insana fi kabad, on a créé l'être humain pour une vie de lutte. Na'am. Tout celui qui veut le jannah, alayhi an yasbir, wa alayhi an yat'ab, wa alayhi madha an yahsul lahu ma qad hasala lil umam as-sabiqa. Na'am. Fa quand ils ont vu ça, ils ont su que ils allaient avoir besoin dans leur futur de ces paroles-là. Ces paroles qui dissipent la tristesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur répond ? قَالَ أَجَلْ يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bien sûr, il est important ou impératif à toute personne qui entend ces paroles de les mémoriser. Pourquoi ? لَنَّ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam يَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مُؤْمِنْ سَيُبْتَلَ. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il n'y a pas un croyant sans qu'il va être éprouvé. وَلَا تُسَمَّ فِتْنَةً وَابْتِلَاءَاتٍ إِلَّا فِيمَا يَكْرَهُ نَفْسَكَ إِلَّا فِيمَا تَكْرَهُ نَفْسَكَ. Et ça ne s'appelle pas une épreuve ou une fitna, si ce n'est que c'est une chose que ton âme, elle déteste. بَعْضُهُمْ, ils ne peuvent pas sortir sur la pauvreté. Ça veut dire quand la pauvreté elle vient sur eux, ce n'est pas une épreuve. عرفت؟ لكن الإبخاف c'est sur des choses qui sont dures sur ta personne. نعم. هذا تسمى يعني ابتلاء فتن. فعلى المرء أن يصبر وأن يرجع نفسه إلى الله عز وجل. Il ramène son être Allah Azza wa Jal. فَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. هذه ساسة آية عجيب. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Ici Allah te touche, parce que toute chose, bien ou mal, dans les mains d'Allah Azza wa Jal. S'il te touche d'un quelconque mal, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Il n'y a personne qui pourra dissiper ce mal si ce n'est Allah Azza wa Jal. وَإِنْ يُصِبَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Et si Allah il fait descendre sur toi un bien, il n'y a personne qui pourra le repousser. مَا فِي جِنْ وَلَا إِنْسْ وَلَا غَيْرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala est le Qadir. Et c'est pourquoi, après la salat, parmi les adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire, comme a قال المغيرة بن شعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من السلام قال لا إله إلا الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il avait fini de sa prière obligatoire, parmi les askar qui disaient après la prière, il dit لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إلى هنا معروف جميع عندكم جميعا. ثم قال اللهم لا مانع لما اعطيت. Oh mon Seigneur, il n'y a personne qui peut empêcher ce que tu m'as donné ou ce que tu donnes. ولا معطي لما منعت. Il n'y a personne qui peut donner ce que tu as pas voulu donner. Personne. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت الامه ماذا لو اجتمعت الامه على ان ينفعك بشيء لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك. Si toute la communauté, la terre entière, djinn, homme, toute la communauté venait pour se regrouper pour te faire un quelconque bien, ce bien ne te toucherait que si Allah l'a décrété pour toi. وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. Et si tu te regroupais pour te faire un quelconque tort, toute la création, ce tort ne t'arriverait que si Allah l'a décrété pour toi. نعم. فهنيا لمن وفق للرجوع الى الكتاب والسنه في جميع احواله. Donc c'est une bonne annonce pour celui à qui Allah a permis de réussir et de revenir au kitab, au Coran et à la sunna dans toutes ses affaires. نعم. يا أيها الناس إن يا أيها الناس ماذا نسيت الآية ماذا المهم يعني هذا تذكرة لنفسي وإخواني بالثبات على الحق والرجوع إلى الله عز وجل عند جميع أحوالنا. Donc ça c'est une petite parenthèse afin que chacun d'entre nous, on revienne à Allah Azza wa Jal dans toutes nos affaires. Naam. Ya ayyuhan nasu, qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi s-sudur. Allah subhanahu wa ta'ala samma al-Qur'an shifa'. Oh homme, vous est parvenu une maw'ida, un sermon d'Allah Azza wa Jal, ainsi que une guérison pour les cœurs. نعم. Le Coran نور وهدى وثبات. طيب. المهم, donc ça c'est une parole de Cheikh l'Islam qui dit que certes Allah subhanahu wa ta'ala il a dit que celui qui ne revient pas au jugement du prophète alayhi salatu wasalam n'est pas véritablement croyant. Ensuite Cheikh l'Islam il dit وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هوى فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. Vous avez compris ça la parole de Cheikh l'Islam? Il dit mais celui qui s'accroche au jugement d'Allah et de son messager باطنا dans son intérieur et dans son extérieur لكن عصى. Mais il a désobéi, il a suivi son hawa. C'est-à-dire dans le jugement par autre qu'Allah. Alors lui, il sera au même degré que les pécheurs. C'est-à-dire, bima'na, la yakfur. Ça, c'est le kalam de Cheikh l'Islam. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على التكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا. المهم شيخ الإسلام ça on a rapporté la parole de Cheikh l'Islam de manière à ce que si quelqu'un il demande c'est qui dit que celui qui juge par autre qu'Allah, mais tout en considérant que les lois d'Allah sont meilleures et en sachant que ce qu'il fait, c'est interdit, il ne sort pas de l'islam. C'est qui dit ça? T'as quoi le Cheikh l'Islam? Awalad. Cheikh l'Islam, min a'immat ahl sunnah. Naam. Wa qala l'imam Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, c'est l'élève de qui? Abd al-Malik. Ibn al-Qayyim, c'est l'élève de qui? Ibn Taymiyyah, n'aim. Tilmizuhu al-Bar. Qala, wa al-Sahih, anna al-Hukma, bighayri ma anzal Allah, yatanawalu al-Kafirin. Yatanawalu al-Kufrain. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, et la voie juste, c'est que le jugement avec autre que les lois d'Allah comprennent les deux formes de mécréance, al-asrar ou al-akbar, la petite comme la grande, bihasab hal al-hakim, en fonction de la situation du hakim. Mafhoum? Fa innahu in i'taqada wujub al-hukm bima anzala Allah fi hadhihi al-waqi'ah wa 'adala 'anhu 'isyanan ma'a i'tirafihi bi annahu mustahiq lil-'uquba fa huwa fa hadha kufr asghar. Donc si il reconnaît qu'il est obligatoire de juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal, mais il ne l'a pas fait parce qu'il suivait une quelconque passion, tout en reconnaissant qu'il est pécheur en faisant cela, alors lui, il a certes mécru de la petite mécréance. Wa in i'taqada annahu ghayru wajib wa annahu mukhayyarun fi ma'a tayaqqunihi أنه حكم الله فهو كافر كفر أكبر أو فهذا كفر أكبر وإن جهله أو أخطأ فهذا مخطئ له حكم المخطئين. نعم. Donc là c'est encore une parole de savant, c'est la parole de l'imam Ibn al-Qayyim qui précise bien que la personne qui juge par autre qu'Allah tout en sachant que ceci est interdit et que les lois d'Allah sont meilleures, mais il le fait par poursuivre ses passions, alors lui ne sort pas de l'islam, bien qu'il est dans un grand péché. طيب وقال الإمام ابن أبي العز وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية نعم كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين. En gros, tout, moi j'ai cité les paroles de ces savants pour que vous ayez des bases. Que si on vous dise ouais, mais si on vous demande c'est qui a dit ces paroles-là, vous ayez des imams sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim, Ibn Abi al-Izz. Ibn Abi al-Izz, il a quel livre qui est connu? Abdel Ismail. Ibn Abi al-Izz. Ah, Isa. Huwa ahsan man sharaha aqidat al-Tahawiyya. Al-Tahawiyya bi sharh Ibn Abi al-Izz. Ma'rouf. C'est le meilleur c'est celui qui a le mieux expliqué le livre Aqidah, la croyance de l'imam al-Tahawi. Non. المهم نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس ونأخذ شيئا ما من الأربعين النووية. طيب عبد الم